Bonjour, merci d'être à l'écoute sur Radio Fadjet de cette émission qui va vous proposer un bilan fait par des lycéens d'un projet pédagogique et citoyen réalisé cette année. Lors d'une précédente émission, nous avons présenté l'ensemble de la démarche et ses différents aspects en soulignant leur complémentarité. Dans cette émission, nous allons développer certains moments forts vécus par les classes concernées. Je m'appelle Vincent Cayavé, je suis enseignant, je suis accompagné par 6 élèves de première qui vont vous parler de leur implication dans un projet d'histoire et de mémoire qu'ils ont mené pendant plusieurs mois dans le cadre de leur cours d'EMC. L'enseignement moral et civique. Pour commencer, je vous propose un petit tour de table afin de faire les présentations. Qui veut commencer ? Johan ? Alors, je m'appelle Johan, j'ai 17 ans et je suis élève en première à la Malgrange. Alors, je m'appelle Achille, j'ai 17 ans et je suis élève en première à la Malgrange. Je m'appelle Tiphaine, j'ai 17 ans et aussi à la Malgrange. Bonjour, je m'appelle Capucine, j'ai 17 ans et je suis également élève de la Malgrange. Je m'appelle Louise, je suis élève au lycée La Malgrange et j'ai 16 ans. Je m'appelle Pierre-Olivier, j'ai 16 ans et je suis aussi élève dans ce lycée. Merci. Après une petite présentation du projet, nous prendrons le temps de raconter certaines étapes où chacun de vous pourra exprimer son ressenti, raconter un petit peu les démarches et la façon dont il les a effectuées. Donc pour commencer, dans quel cadre s'est déroulé le projet et quels étaient ses objectifs, Johan ? Donc le projet s'est déroulé dans le cadre du 80e anniversaire de la libération de Nancy, donc dans le cadre également de notre cours d'EMC. Le projet a eu plusieurs objectifs, comme donc nous en apprendre davantage sur cette libération, mais également nous apprendre les fondements du travail de l'historien et de continuer à faire vivre le mémoire et en fait d'en comprendre même l'importance. Oui, au cœur de la démarche, en fait, il y a un projet de citoyenneté qui vise à vous impliquer dans ce travail de mémoire, en fait, oui, de vous rendre acteur de cette démarche. Et pour faire cette démarche de mémoire, il faut une démarche d'histoire solide. C'est un peu ça qui est au cœur de votre projet depuis le début. Du coup, dans les grandes lignes, comment est-ce que ça a été mis en œuvre ? Alors, on pourrait décomposer le projet en deux parties, principalement le travail de mémoire et donc laisser des marges qui vont appuyer ce travail de mémoire. Le travail de mémoire, ça passe par la participation à des cérémonies mémorielles, mais également le recueil de témoignages auprès de personnes qui ont vécu ces événements. Et les démarches historiques donc, sont basées principalement sur de l'information. On a essayé de recueillir des informations donc par des lectures ou bien par des recherches aux archives départementales ou même dans des archives en ligne, mais également par des participations à des conférences, des conférences qu'on a eu l'occasion de faire en début d'année. Oui, donc vous avez tous mené tout au long de l'année une démarche en respectant la démarche du travail de l'historien, et puis en parallèle il y avait plein de propositions qui étaient faites pour que vous puissiez aussi vous engager dans la démarche de mémoire. Et du coup, l'année a commencé un petit peu rapidement et en lien avec le travail de mémoire. On va peut-être passer un petit peu de temps, parce que vous étiez tous présents, je crois, oui, sur ces deux premiers jours en septembre, où une série de conférences et de manifestations ont été organisées. Qui nous raconte un petit peu ce qui s'est passé sur ces deux jours ? Oui, Pierre-Olivier. Tout d'abord, le 20 septembre, nous avons pu assister à une conférence retraçant l'histoire tout d'abord de trois résistants exécutés à la Malgrange, donc Gilbert Lamoise, Léon Stutzmann et Pierre-Émile Feuerstoss. Ensuite, le samedi, nous avons pu assister à une remise de gerbes et à une commémoration sur les stèles des déportés. Et dans le lycée. Dans le lycée, oui, dans le parc du lycée. Sur la plaque commémorative. Et donc avec les autorités présentes pour célébrer ces 80 ans de la libération de Nancy. Et puis la deuxième journée, il n'y avait pas seulement la cérémonie mémorielle, il y avait aussi un parcours mémoriel que certains d'entre vous... Oui, Capucine. Oui, en effet, on a assisté à un parcours mémoriel, donc il y avait du public qui était présent et on présentait sous différentes formes, sous un chemin pour aller jusqu'aux plaques mémorielles, l'histoire de ces trois résistants. Oui, parce qu'en fait, au cœur de cette démarche de mémoire, il y a les trois résistants dont vous parlez qui ont été exécuté dans le parc du lycée en 1944, le 3 septembre 1944, à cause de leur engagement pour la libération. Et du coup, ça, c'était une façon pour vous de démarrer le projet en découvrant l'histoire de ces trois hommes et puis en essayant de la transmettre à votre tour. Capucine, tu as fait partie de ceux qui ont accompagné les groupes, c'est ça ? Oui, donc on présentait l'histoire des trois résistants et il y avait pas mal de monde ce jour-là qui était quand même très intéressé et pour nous, ça nous permettait de nous lancer directement dans le projet et de tout de suite savoir l'histoire des trois résistants parce qu'on démarrait l'année et donc ça nous mettait directement dans la démarche de mémoire. Et ça veut dire que vous avez dû préparer un petit peu cette intervention ? Vous aviez lu avant les découvertes qui avaient été faites pour la conférence ou pour le parcours mémoriel d'ailleurs ? Oui, on avait lu le travail des autres élèves de la Malgrange qui avait été fait l'année précédente. Notamment, ils étaient allés aux archives. Et dans les archives de la Malgrange, ils avaient trouvé pas mal de documents. Donc on a pu se renseigner d'abord une première fois sur ce qui avait déjà été trouvé. Alors justement, on va peut-être faire un petit point pour présenter ces trois hommes dont vous avez raconté l'histoire dès le début de cette année scolaire. C'est Pierre-Olivier qui a préparé ça. Oui. Donc pour Gilbert Lamoise, il est mobilisé en 1939, il rejoint un régiment à Bitche en Moselle. Et pendant l'occupation, il est mécanicien, il possède un garage à Nancy, rue de la Craffe, où il travaille avec quelques employés. Et selon les dossiers FFI de Nancy, il entre dans la résistance vraisemblablement en juin 1943 et devient en 1944 chef de dizaine du groupe FFI des Trois Maisons, donc un groupe pompeux. Composé de 6 hommes. Il cache certainement dans son garage des armes et le jour de son arrestation, il semblerait qu'il devait récupérer des drapeaux français et américains. Quant à Léon Stutzmann, il est chauffeur-livreur à Nancy dès 1940. Il passe quelques mois à la SNCF en 1942-1943, puis à nouveau chauffeur en 1944 et lui va s'impliquer dans cette résistance sous le pseudonyme de Joseph, et où il assure principalement des liaisons de transport et d'armes avec sa voiture. Pierre-Émile Feuerstoss, lui, va tout d'abord s'engager dans la marine nationale en décembre 1927, et il assiste au sabotage de sa flotte en 1942, donc il est démobilisé en février 1943. Il va s'installer sur Nancy, et le 27 mars 1943, il travaille à la manœuvre des voies vers Champignoles, où il en profite pour pouvoir saboter les installations de l'occupant. Et donc, ils sont arrêtés tous les trois le 3 septembre 1944 oui. Et exécutés soi-même. À la Malgrange. Tu as présenté cette histoire lors de la conférence. Toi, quel était ton rôle le jour de la conférence ? Le jour de la conférence, j'ai pu faire les lectures des biographies de deux résistants, donc de Gilbert Lamoise et de Léon Stutzmann. Et je trouve que je me suis impliqué surtout dans cette lecture, tout d'abord car j'aime bien prendre la parole en public, mais surtout pour la transmission de mémoire. Et je me suis impliqué profondément pour l'implication, entre guillemets, des causes historiques et de cette démarche mémorielle qui est pour moi importante à faire. Et du coup, ça t'a donné envie de faire des recherches de ton côté également ? Oui. Pour la démarche historique ? Après une démarche historique, donc on va certainement en parler, mais une synthèse qu'on a eu à faire et donc des recherches dans les archives, surtout en ligne et étrangères. Mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous raconter son expérience dans la conférence ou dans le parcours mémoriel ? Oui, Louise. Donc pendant la cérémonie mémorielle, on a pu déposer une gerbe avec une autorité auprès des plaques mémorielles. Tu te rappelles quelle autorité tu as accompagnée ? Il me semble que c'était un membre de l'appel. Et donc on a déposé une gerbe, voilà. Avec l'association des parents d'élèves, donc il y avait le député Ablou qui était là, il y avait des représentants de la mairie de Jarville, il y avait évidemment des représentants de l'école et des parents d'élèves aussi. Achille, tu as participé à la conférence, toi, je crois. J'ai participé à la conférence en lisant la biographie de Pierre Feuerstoss. Donc ce que j'ai trouvé, c'était que c'était assez intéressant. Au début, quand vous avez proposé le projet, j'étais assez sceptique. Mais à la fin, j'ai trouvé que c'était assez sympathique. Et puis, l'histoire, il faut la transmettre. Il ne faut pas rester passif devant. Oui, c'est intéressant. Du coup, pour la transmettre, il faut aussi s'impliquer dedans, concrètement, lire ce qui existe et puis effectivement faire des recherches. Vous nous reparlerez de ces recherches après. Alors, on va passer à une deuxième étape importante, un moment fort pour ceux qui ont pu la vivre. C'est surtout Johan qui va nous en parler. C'est la rencontre avec un témoin, avec Jacqueline Aubry, qui était engagée dans la résistance. Mais qui a aussi raconté tout son parcours pendant le conflit. Et puis l'occasion de décrire un petit peu ce parcours de Jacqueline Aubry, c'est une façon aussi de lui rendre hommage, puisque depuis la rencontre qui a eu lieu avec les élèves, Jacqueline Aubry est décédée. Donc il est important qu'on puisse se souvenir de son parcours et que vous transmettiez maintenant ce qui s'est passé et comment elle a vécu les choses. Alors, Johan, est-ce que tu veux nous raconter comment s'est passée la rencontre en elle-même ? Oui, donc tout d'abord, nous nous sommes installés autour d'une table, donc avec Jacqueline Aubry et sa sœur. On était une dizaine environ, et elle nous a transmis son témoignage. Et pour finir, nous avons eu un temps d'échange avec elle. Alors, tu dis on s'est mis autour d'une table, vous étiez dans l'EHPAD où elle résidait. Hein. Oui, effectivement. C'est pas elle qui est venue à l'école. Non, c'est nous qui sommes venus recueillir son témoignage. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la façon dont elle s'est engagée dans la résistance, tu as retenu les différents aspects ? Oui, j'ai quelques éléments. Donc, Jacqueline Aubry, il faut savoir qu'elle s'engage dans la résistance de façon spontanée. Pour elle, c'est quelque chose de presque naturel. Et donc, grâce à l'emploi qu'elle occupe, qu'elle travaille comme dactylographe, elle va disposer du tampon de son entreprise, avec lequel elle peut fabriquer des faux papiers. Qui permettent aux Français d'éviter d'aller faire leur service de travail obligatoire en Allemagne notamment. De plus, elle fait également des fausses déclarations d'accident dans le même but. Et elle apporte également de l'aide aux maquisards, notamment de la même façon avec la fourniture de faux papiers d'identité. Pendant son témoignage, elle a aussi raconté longuement, on sentait qu'elle était marquée par ça, elle a raconté longuement les difficultés de la guerre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc tout d'abord, les difficultés sont principalement la peur, le froid et la faim. Lors de la guerre, l'eau courante était également très difficile d'accès. Il fallait aller à la fontaine, sauf que cette fontaine était souvent gelée. Donc la nourriture se faisait rare et ils mangeaient principalement du rutabaga. Il y a même un épisode où elle nous explique qu'en 1947, lors de son mariage, elle a eu du poulet. Et elle évoque cet épisode avec joie, quelque chose que nous, aujourd'hui, nous semble anodin. Ça, c'est très intéressant à remarquer. Oui, après la guerre, les restrictions se poursuivent et elle le racontait effectivement très bien. Il y a un autre moment qui t'a marqué. Quand je vous ai proposé de rechercher des extraits de la conférence, t'as pensé à un extrait où elle parle d'une camarade juive dont elle a perdu... des nouvelles assez rapidement. Est-ce que tu veux présenter l'extrait audio qu'on va écouter maintenant ou est-ce qu'on lance l'extrait du témoignage tout de suite ? Je peux le présenter en quelques mots. Donc, dans cet extrait, Jacqueline Aubry va nous expliquer ses souvenirs d'une camarade juive qui reste très ancrée dans sa mémoire malgré les longues années qui la séparent de cette camarade qu'elle n'a plus jamais revue. Oui, 98. Quand on pense à des extraits complets des Allemands allaient pour terroriser les Juifs, c'est impensable, hein. Et qu'il a réussi à faire ça. Vous n'avez jamais eu de nouvelles de votre camarade juive ? Non, la pauvre fille, non. Elle a dû être embarquée. Oh là là. Elle avait quel âge ? Comme moi, 15 ans, 16 ans. C'était à l'école de Malzéville ? Non, c'était à l'école de Haut. Ah oui, bah oui. C'est drôle que c'est resté dans ma mémoire. Je la vois encore dans la cour. C'est pour eux que ça m'a marqué comme ça. L'ascension, je pense que c'était. Avec son étoile ou avant ? Avec son étoile ! Oui, en fait, quand elle raconte ça, là, on l'entend, elle a 99 ans quand elle raconte ce qu'elle a vécu. Et effectivement, elle semble hantée par cette image de cette camarade. Est-ce que tu te rappelles la date de cette rencontre, de cet épisode ou pas ? Non, je ne l'ai plus hantée. Alors, c'est en 1942, c'est au moment où le port de l'étoile juive devient obligatoire. Et du coup, elle découvre à ce moment-là qu'elle a une camarade juive au moment où elle va porter cette étoile. Elle ne sait pas comment l'interpréter, elle ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, sauf qu'elle comprend assez vite, et quand elle verra à la rentrée suivante que sa camarade n'est pas là et qu'elle ne la reverra jamais. Donc elle ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé, mais elle imagine qu'elle a été déportée, et visiblement elle était encore hantée par ce moment où elle découvre une réalité qu'elle ne soupçonnait pas. Dans son témoignage aussi, elle nous raconte, juste après la libération, l'arrivée des Américains et la façon dont elle a vécu ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît, Johan ? Alors, donc Jacqueline, oui, il faut savoir qu'elle a une espèce de très grand respect pour ces Américains et un sentiment profond de reconnaissance pour ces gens qui sont venus se presque tuer certains pour libérer la France. Et ils vont accueillir 3 soldats américains, sur une période de 4 mois, il me semble. Et elle va se lier d'amitié avec un soldat américain qui s'appelle Bill. Et on peut voir que suite à au départ de Bill, une conversation épistolaire va perdurer entre entre Jacqueline Aubry et donc Bill. Et ça témoigne d'un lien très fort entre les deux qui se sont noués. Oui, qui s'est d'ailleurs entretenu après la mort de Bill, puisqu'elle a continué à échanger avec ses enfants. Est-ce que tu veux, pour terminer sur ce moment que tu as vécu au début de l'année 2025, je crois que c'était en janvier ou février la rencontre, est-ce que tu veux terminer en exprimant un ressenti sur ces 2 heures que tu as partagées avec elle et avec tes camarades ? Je pense que c'est au cours de ces 2 heures que je me suis vraiment rendu compte de l'importance du devoir de mémoire, ou plutôt du travail de mémoire, je préfère ce terme-là, parce que s'il y a vraiment une dimension humaine derrière ce travail de mémoire dont on ne se rend pas vraiment compte en classe, et finalement, quand on écoute ce témoignage d'une personne, on se rend compte de l'importance que ça a. Merci. On passe à un troisième moment que vous avez tous vécu, celui-là, c'est la rencontre avec Guillaume Metz, qui est venu vous parler de la rédaction de son livre sur Pexone, et puis en fait de tout le travail de mémoire qu'il fait en lien avec la rafle de Pexone. Et on a senti tous qu'il était passionné par ce travail-là. Qui veut nous présenter un petit peu cette rencontre ? Comment ça s'est passé ? Quel était le sujet ? Donc on l'a compris. Et qu'avez-vous appris ? Achille. Donc la rencontre, c'était début mars. Dans cette rencontre, nous avons pu échanger avec Guillaume Metz, donc il est venu au lycée La Malgrange. Il est venu dans votre classe sur un créneau de 2 heures environ. Oui. Et dans ce créneau, il nous a expliqué la rafle de Pexone et son métier, à quoi il consistait. Et puis il a répondu à toutes vos questions, puisque vous aviez préparé en amont, en lisant son travail, en particulier sur le site qu'il a consacré à Pexone. Est-ce que vous connaissiez, vous, la rafle de Pexone, justement, avant qu'il n'en parle ou que vous ne cherchiez des informations ? Pierre-Olivier ? Seulement dans les grandes lignes, mais on voit que grâce à son travail, grâce à toutes les données qu'il a collectées, il a pu vraiment nous expliquer dans tous les moindres détails de l'histoire comment ça s'est déroulé et les atrocités de cette rafle. Est-ce que quelqu'un peut nous raconter rapidement comment ça se passe, cette rafle de Pexone, et puis quand ça se passe ? Oui, Pierre-Olivier. Donc le 27 août 1944, dans le village de Pexone, en Meurthe-et-Moselle, sous les ordres du capitaine SS Erich Wagner, les soldats encerclent le village des Laubes, procédant à des fouilles systématiques des maisons et rassemblant les habitants sur la place de l'église. 112 hommes âgés de 16 à 50 ans furent arrêtés, 3 furent exécutés sur place et environ 80 déportés sur le camp de concentration de Mauthausen en Autriche. Et parmi eux, seulement 18 sont revenus. Sinon, les troupes allemandes incendièrent plusieurs maisons du village, laissant de nombreuses familles sans abri. Et cette destruction s'ajouta au drame humain avec 32 veuves et 84 orphelins recensés. Alors, qu'avez-vous découvert pendant cette rencontre ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet échange ? Tiphaine ? Pour ma part, je connaissais pas du tout la rafle de Pexone, donc ça a été assez intéressant de découvrir l'histoire de cet événement. C'est vrai que c'était aussi intéressant de nous rendre compte qu'au départ, on n'avait aucune information à propos de cette rafle, et c'est grâce à Guillaume Metz, en très grande partie, que la plupart des données ont été récoltées, qu'il a pu retracer l'histoire de cet événement. Et c'est vrai qu'il répète à de nombreuses reprises que c'est important et qu'il ne faut pas oublier tous ces événements, tout ce qui s'est déroulé. Et cela m'a aussi permis notamment de me rendre compte personnellement que c'était intéressant et important de transmettre toutes ces actions et toutes les atrocités qui ont été commises sans en oublier les moindres détails. Capucine. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié la conférence de Guillaume Hess. Tout d'abord, il nous a parlé de sa RAF, lui c'était très important, mais il nous a également parlé de ses recherches, et ça je pense que c'est ce qui m'a le plus impressionnée. Il est allé jusqu'à aller à l'étranger sur des sites d'archives pour récolter des informations sur la RAF. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et ça montrait aussi qu'il était passionné, qu'il avait vraiment envie de donner aux plus jeunes et à nous le savoir de cette RAF et pour ne pas oublier ce qui s'était passé à Pexon. Il a passé des années à chercher, à rassembler tous les documents avant d'écrire son livre. Et il n'a pas fini le travail, ça c'est un autre aspect. On va écouter un deuxième audio, un extrait de la conférence, où il raconte justement qu'après l'écriture de ce livre, il est parti sur un projet d'ouverture de musée. La fondation d'un musée mémorial, et donc dans une ancienne école primaire. Et là vous avez le couloir de l'école avec les salles de classe de chaque côté. Et au fond, on va mettre un petit film qu'on a récupéré de la Gaumont, de ce fameux journaliste qui était venu faire le reportage à Pexon, un village sans hommes. Mais finalement, cet espace de mémoire et de culture sera aussi un lieu de réflexion qu'on veut rendre vivant. Et on veut finalement s'interroger sur une notion qui ne s'est pas arrêtée avec le 27 août 1944, c'est la notion de crime de guerre. Donc les crimes de guerre, c'est les civils qui, 9 fois sur 10, en font les frais, sont les victimes collatérales des guerres, et souvent c'est intentionnel. Et donc ça concerne aussi bien les assassinats que vous avez. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit commentaire sur cette idée de musée ? Il y a un terme qui est important dans ce qu'il explique, c'est l'idée qu'il veut en faire un lieu de réflexion. Et ça, je crois que ça résume bien tout ce que vous avez pu mener cette année. Faire de l'histoire, ce n'est pas seulement se plonger dans le passé, c'est essayer de comprendre une période, et c'est le meilleur moyen de faire mémoire. Il me semble que cet extrait qu'a choisi Achille est pertinent pour ça. On voit bien qu'on est dans une démarche qui n'est pas seulement tournée vers le passé, mais qui est aussi tournée vers l'avenir. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose sur cette rencontre Oui, Pierre-Olivier. Peut-être aussi qu'on peut parler des moyens mis en œuvre aussi pour la mémoire, avec notamment les Stolpersteine, donc les petits pavés de métal incrustés dans le sol, posés en hommage aux habitants raflés de ce jour et déportés dans les camps de concentration, donc son initiative pour ne pas oublier ces déportés. Bien, du coup ça vous a motivé après pour faire vos propres travaux de recherche, on l'a bien compris, c'est le moment où vous allez pouvoir en parler. Quel type de recherche avez-vous effectué ? Quels sont les éléments dont vous êtes content et que vous voudriez partager avec nous ? Oui, Louise. Pendant les vacances d'octobre, on avait pu aller aux archives avec Sven et Capucine, accompagnés par notre professeur. On a chacun travaillé sur un dossier différent. Pour ma part, j'étais sur le dossier présentant les sabotages sur les voies SNCF dans les alentours de Nancy, sur l'année 43-44. On a pu remarquer qu'il y avait, que les sabotages étaient vraiment très très nombreux sur cette période. Est-ce que tu as réussi à gérer toutes tes découvertes pour en faire une synthèse cohérente ? Est-ce que tu as réussi à citer ces documents nombreux que tu avais trouvés ? On avait beaucoup de documents, donc certains nous intéressaient moins que d'autres. Donc il a fallu les trier et dans ma synthèse, j'ai pu parler de plusieurs documents. J'en avais où ça ramenait tous les sabotages sur l'année 43-44. C'était un résumé de tous les sabotages et donc c'était vraiment très très nombreux et très diversifié. Tu as eu beaucoup de travail pour gérer tout ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous parler de ces recherches ? Oui, Capucine. Moi, j'ai travaillé en groupe avec Tiffen. Donc, on a fait toutes les deux des recherches sur la résistance sur la période 43-44. On est allé aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Et c'était, pour notre part, la première fois. Et donc, on avait, c'était très intéressant car nous avions des vrais documents dans les mains et c'était c'est quelque chose qui, pour ma part, était jamais arrivé d'avoir des documents datant de l'époque et de pouvoir observer ça et étudier. Et aussi, les dossiers, ils étaient très vastes, donc il fallait vraiment cibler ce qu'on voulait rechercher et ce qui a permis de faire de plusieurs découvertes et donc après d'en faire un travail de synthèse. Oui, Tiffaine. Oui, donc avec Capucine, on a, comme elle a dit tout à l'heure, on a pu regarder des véritables dossiers, donc c'était assez intéressant. Et c'était aussi, fallait aussi qu'on fasse attention à ne pas les abîmer parce qu'il y en a certains qui étaient déjà assez fragilisés. Et on a aussi, ça nous a aussi permis, les archives, de découvrir le mode de fonctionnement, de récupérer un dossier, demander, regarder au niveau des codes, etc. C'est vrai que c'était assez intéressant et ça nous a appris beaucoup de choses. C'est une belle découverte pour vous. Tout à fait. Achille. Moi, je me suis rendu aux archives avec mon camarade Samuel qui n'est pas là. Aux archives, nous, on s'est concentré plutôt sur tout ce qui est réquisition américaine et allemande. Donc, ce qui est impressionnant, c'est la taille des dossiers. Hein. On a des gros dossiers qui faisaient plusieurs centaines de pages pour certains. Et donc, avec ceci, on a pu découvrir beaucoup de choses sur Jarville, sur la Malgrange et sur toute la période de la guerre. Johan. Alors, pour ma part, j'ai pu faire des recherches dans des archives, donc principalement en ligne. Donc c'est un processus qui peut sembler au début un peu décourageant puisque c'est très long, mais en réalité c'est très gratifiant, surtout lorsqu'on trouve un document qu'on va pouvoir utiliser. J'ai pu également faire des recherches donc, dans des archives en ligne, pas seulement françaises, mais aussi américaines. Donc j'ai par exemple fait des recherches dans la bibliothèque du Congrès, et donc c'est très intéressant de regarder donc, la guerre de plusieurs points de vue. Donc ça offre des perspectives donc différentes. Merci. Alors, vous cherché des archives dans des documents que vous ne connaissiez pas du tout. Il y a aussi des camarades qui ont fait des découvertes au sein de leur famille. Je vous propose qu'on écoute un audio qu'on a enregistré avec une camarade qui va vous raconter comment elle a trouvé des informations sur ce qui s'était vécu dans sa famille à cette période. Depuis mon enfance, j'ai entendu en coup de vent le nom de Jacques Débert dans ma famille. On évoquait parfois son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale sans jamais vraiment entrer dans les détails. C'est un nom qu'on prononçait avec respect mais dont je ne mesurais pas toute la portée. Ce projet m'a donc permis de plonger dans son histoire, d'en apprendre davantage sur son engagement et son sacrifice, et cela m'a personnellement très touchée parce qu'il fait partie de ma famille. En effet, son acte le plus marquant, ça reste la libération de 58 prisonniers de la prison Charles III à Nancy en 1944, alors qu'ils étaient prêts à être exécutés. Ce geste, il est longtemps resté anonyme et il permet de montrer l'importance qu'ont eu les résistants dans la préparation de la libération de Nancy et de ses alentours. Malheureusement, comme beaucoup d'autres résistants, cette action elle a coûté la vie à Jacques Débert. C'était une dénonciation par un homme dont nous ne connaissons pas le nom. Arrêté le 6 septembre 1944 chez son père, il fut fusillé 3 jours plus tard à la Malpierre, à seulement 21 ans. Suite à des discussions avec des membres de ma famille, je m'y suis donc davantage intéressée et c'est pourquoi j'ai contacté par la suite le SHD de Caen de manière à obtenir un dossier à son nom avec différents documents à l'intérieur. Et ce travail m'a donc permis de mieux comprendre l'histoire de la résistance et surtout de découvrir en profondeur le parcours de Jacques Débert, un membre de ma famille dont je connaissais le nom mais pas vraiment l'histoire. J'ai réalisé à quel point son engagement et celui de ses camarades, ils ont été importants pour la libération de la région de Nancy et combien il est essentiel aujourd'hui de faire vivre leur mémoire. Parce que grâce aux commémorations, aux travaux d'élèves et aux hommages officiels, ces actes de courage, ils sont pas oubliés. Et le projet m'a montré que la mémoire, c'est pas qu'une affaire de livres, d'histoires ou encore de monuments. C'est aussi une transmission familiale et locale qui va donner du sens au passé et qui rappelle les valeurs essentielles de liberté, de courage et de solidarité. Il y a un autre camarade qui nous a raconté qu'il a lui aussi trouvé quelque chose dans l'histoire de sa famille. On va écouter ça rapidement. Afin de m'impliquer au mieux dans mon projet d'EMC et de manière à le rendre plus concret pour moi, j'ai décidé de chercher un potentiel événement historique dans ma famille. Suite à ma demande, ma maman s'est adressée à ses grands-oncles et tantes sur son groupe familial. C'est alors que nous avons découvert quelque chose dont ma mère n'était même pas au courant. Un de mes grands-oncles a accueilli et donc caché une famille juive à Nancy, place d'Alliance, durant l'occupation de 1944 à 1945. J'ai pu récupérer quelques scans d'un ouvrage qui a été écrit par leurs descendants. Emmanuel de Crevoisier, donc mon grand-oncle, travaillant à la mairie de Nancy, rencontra cette famille qui se présentait pour trouver un logement et accepta de la loger dans son appartement de la place d'Alliance, ce qui lui permettait de ne pas voir l'occupant allemand s'installer dans cet appartement vacant, lui-même et sa famille partant se loger au château de Houdemont, au milieu des militaires de la Wehrmacht, occupant déjà une partie de son château. En son appartement du second étage de la place d'Alliance à Nancy, Emmanuel de Crevoisier a abrité entre 1940 et 1945 une famille de réfugiés français, la famille Ferry. Il y avait un père et une mère de famille avec leurs deux enfants, Colette, née en 1929, et Robert, née en 1937. Il y avait également les deux grands-parents et il se trouvait que la grand-mère maternelle était juive. De peur de se faire contrôler par les Allemands de la Kommandantur, qui était située à proximité immédiate de la place Stanislas, la grand-mère ne sortit pas de la maison de toute la guerre. À la libération, la famille reprendra sa vie normale à Metz. Le fils Robert deviendra prêtre au service du diocèse de la Moselle. Voilà, donc on voit qu'il y a plein de découvertes qui ont pu être faites et que vous avez essayé de raconter dans des synthèses. On va prendre quelques secondes maintenant pour conclure, hein, le projet est allé dans plein de sens différents. Est-ce que vous voudriez exprimer votre ressenti global pour terminer? Qui se lance dans une conclusion? On peut en entendre plusieurs. Pierre-Olivier commence. Tout d'abord, j'ai trouvé ce projet vraiment captivant car il est étroitement lié à l'un de mes centres d'intérêt qui est l'histoire. J'ai vraiment aimé pouvoir m'impliquer tout au long de cette année, lire lors des conférences pour transmettre ces précieuses histoires, faire les recherches dans les différents organismes d'archives en ligne ou confronter les différentes visions de la libération de Nancy. Tout cela qui a vraiment modifié mon rapport à l'histoire et à l'UMC. Johan, ta conclusion ? Alors pour ma part, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce projet, c'est qu'on dépasse le cadre scolaire et donc ça le rend très intéressant puisque donc on fait les choses différemment, on n'est plus dans un exercice typiquement scolaire et ça j'aime vraiment bien. Capucine ? Ah bah pour ma part, ça m'a permis de faire des recherches concrètes sur le devoir de mémoire. Et aussi, donc avec les documents qu'on a trouvés, on a aussi eu la chance de préparer le CNRD, donc le Concours National de la Résistance. Ça, c'était assez important pour moi, car dans ma famille, il y a déjà des personnes qui ont participé. Et donc, c'était un engagement. Et c'était très intéressant de montrer notre devoir de mémoire, de faire des recherches et de s'impliquer concrètement et de voir que finalement l'histoire de ces gens qui ont été tués et qui ont participé à la résistance ne sont pas juste dans les livres d'histoire, mais sont aussi des personnes qui ont vraiment vécu, qui sont ici et qui maintenant sont décédées et donc il faut perpétuer leur mémoire. Merci. Et Tiffaine ? Effectivement, c'était assez intéressant et je me suis vraiment intéressée à la notion de souvenir, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier certains événements qui sont passés, et grâce à toutes les démarches qu'on a pu accomplir, ça nous a permis de d'en apprendre plus et peut-être de faire émerger des choses que certaines personnes avaient oubliées. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Et aussi par rapport aux trois résistants fusillés à la Malgrange, ça m'a aussi touchée parce que c'est quelque chose qui s'est déroulé dans notre lycée, même si c'était il y a quelques années. C'est vrai que c'est assez marquant de se dire que ces événements ont pu avoir lieu. Merci, on sent bien votre engagement dans les démarches et la façon dont vous avez géré ça en prenant un petit peu de recul et en analysant la situation. Merci beaucoup pour votre témoignage. Au revoir.